du lundi, comme toujours, ce sont les questions de santé et de médecine. Et si le médicament du futur, celui qui lutte à la fois contre le cancer, contre les maladies inflammatoires, le VIH, la grippe et j'en passe, bref, si ce médicament était depuis toujours juste là, non pas sous notre nez, mais dans notre organisme? C'est la promesse que font miroiter les anticorps monoclonaux, des anticorps ciblés, développés depuis le milieu des années 80, mais dont la recherche biomédicale utilise depuis quelques années les capacités pour traiter différemment certains cancers notamment, et pourquoi pas, demain, d'autres types d'affections. Anticorps monoclonaux, l'immunité gagnante, c'est le programme que nous nous proposons d'épuiser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce nouvel espoir, ces nouveaux espoirs thérapeutiques, ces méthodes de production, l'ensemble de leurs applications, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service de dermatologie au centre Gustave Roussy, directrice de l'équipe de recherche sur le mélanome dans l'unité INSERM UMRS 980, qui est l'unité d'identification des nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie. Bonjour Delphine Loira. Bonjour. Vous êtes cancérologue et immunologiste, spécialiste en immunothérapie dans l'unité d'investigation clinique de l'Institut Curie, dont le centre d'immunothérapie des cancers a ouvert l'an dernier. Vous pouvez nous suivre, eh bien, comme chaque jour, en parallèle sur les ondes de France Culture et sur Twitter, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors peut-être, pour commencer, une première question avant de passer par la case révisons ensemble notre immunologie, parce qu'il va falloir reparler un peu de tous ces mécanismes d'immunologie pour bien comprendre comment fonctionnent ces anticorps monoclonaux. Justement, je le disais à l'instant, ces anticorps, les premiers ont été produits à la fin des années 80, 1986. Or, ce n'est que depuis assez peu de temps, finalement, depuis la fin des années 90, que l'on prend la mesure de tout le spectre de leurs possibles applications thérapeutiques. Comment expliquez-vous cela, Caroline Robert, qu'il y ait eu tant de temps avant de comprendre? Je pense qu'on n'a pas fini encore de trouver les applications et tout ce qu'on pourra faire avec ces anticorps. Ça a pris du temps parce que, comme on va sans doute le voir dans le reportage qui explique comment on les a obtenus, eh bien, au début, on travaillait avec des anticorps qui n'étaient pas très proche de notre organisme humain, à nous, puisqu'on les fabriquait chez l'animal, et qui pouvait entraîner des phénomènes de rejet qui pouvaient être délétères pour les patients. Et plus ça va, plus on améliore la qualité de ces anticorps, et ça a été tout un dispositif de recherche et d'amélioration, donc ça ne pouvait pas être immédiat, les utilisations cliniques. Delphine Loira. Oui, et puis également par rapport aux avancées de la biologie moléculaire et de l'immunothérapie du cancer, où là on a pu déterminer quelles étaient les cibles à attaquer, à la fois des antigènes présents sur les cellules tumorales, des voies d'activation qui permettent aux cellules tumorales de se multiplier, et puis également de comprendre les moyens de réduction, de résistance du cancer contre le système immunitaire de l'hôte, enfin du patient. Donc depuis qu'on a toutes ces données-là, on arrive à adapter ces anticorps sur ces voies prédominantes de la suractivité, enfin des super-pouvoirs des cellules cancéreuses. On va évidemment parler beaucoup de cancérologie en votre compagnie. On va voir que ces anticorps monoclonaux peuvent s'appliquer, commencent à donner des perspectives intéressantes pour la recherche dans d'autres types d'affections. Peut-être aussi un mot pour dire qu'aujourd'hui, le marché a dépassé les 100 milliards de dollars. Il est en constante augmentation. C'est un marché extrêmement fructueux pour l'industrie pharmaceutique, il faut le préciser, Caroline Robert. Oui, c'est sûr. Vous avez l'air, de le déplorer. On nous pose toujours, à nous médecins, la question du prix des médicaments. Je pense qu'il faut en parler à des économistes de la santé. Nous, notre travail, c'est de soigner les patients avec les meilleures armes thérapeutiques, dont font partie les anticorps monoclonaux. Donc nous, on ne va pas dire on ne donne pas ça parce que c'est trop cher. Mais on est tous conscients qu'on vit dans une société et que les budgets ne sont pas non plus infinis. Et donc, c'est des problèmes complexes. C'est vrai que les médicaments coûtent cher, anticorps et autres thérapies. C'est un vrai problème de société, je dirais. La question, c'est qu'effectivement, on en parlait avec Delphine Loira quelques instants avant le début de cette émission. On voit fleurir, dans la presse généraliste principalement, beaucoup d'articles qui vendent ces anticorps monoclonaux comme étant le remède miracle, le médicament miracle. Moi-même, dans mon introduction, je forçais un peu le trait. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de voir quels sont effectivement les espoirs que la recherche place dans ces anticorps monoclonaux. Mais est-ce que on n'est pas aussi un peu dans une sorte de bulle biomédicale ou de bulle pharmaceutique spéculative, à votre avis, Delphine Loira? Alors pour moi, c'est pas une bulle spéculative, il y a des vrais résultats. Et pour moi, c'est une nouvelle arme thérapeutique, les anticorps monoclonaux. En fait, on va les utiliser avec les autres armes thérapeutiques qu'on a, soit en les combinant, soit par rapport à quel moment dans la maladie on va les introduire, afin d'être le plus efficace possible. Mais en fait, ça va pas bouleverser complètement et remplacer les autres médicaments, mais c'est une nouvelle arme, c'est même des nouvelles armes, parce qu'il y a plusieurs anticorps et plusieurs façons de les utiliser. Alors justement, on va venir à notre au cœur de notre sujet, c'est-à-dire ces anticorps monoclonaux, pour comprendre l'ampleur de cet espoir qu'ils ont fait naître depuis une dizaine d'années, un peu plus, et surtout de l'éventail de toutes ces applications thérapeutiques, on va faire une petite phase de révision utile qui ne va pas être utile qu'au terminal option bio. Qu'est-ce que c'est qu'un anticorps, Caroline Robert? Alors un anticorps, c'est une molécule qui a une forme un petit peu triangulaire, avec une partie qu'on dit constante et une partie variable. Et cette partie variable va reconnaître un antigène. Et en fait, on les produit, historiquement, on les a produits en injectant des antigènes, donc des substances étrangères à des animaux. Et ces animaux, avec une sous-population de leurs cellules immunitaires, notamment des lymphocytes B, vont fabriquer une molécule en réponse à cet antigène qui s'appelle un anticorps. Et donc nous, enfin vous, si vous vous coupez là avec votre stylo et que vous faites rentrer un microbe dans votre peau, bah vous allez sécréter peut-être des anticorps contre ces microbes. Et on utilise ces productions d'anticorps. Ensuite, on a trouvé des moyens très, très sophistiqués et très intelligents pour arriver à récupérer les anticorps en utilisant des techniques de biologie moléculaire et en récupérer beaucoup pour obtenir des anticorps dirigés contre des molécules contre lesquelles nous, on veut se battre chez les patients. Alors peut-être qu'on peut redire, on peut élargir un peu cette leçon d'immunologie, rappeler ce que c'est effectivement les anticorps. Il y a une différence entre la réaction immunitaire innée et la réaction immunitaire acquise. Ils sont produits par un certain type de globules blancs que vous venez d'évoquer, les lymphocytes B. Comment ça marche en fait, une réponse immunitaire qui suscite les anticorps, Delphine Loira? Alors en fait, donc quand un organisme, vous, nous, contient un virus ou une bactérie, donc en fait nos anticorps vont être stimulés par cette reconnaissance d'éléments étrangers, donc l'antigène, qui ne sera pas un antigène du soi, mais un antigène étranger. Le non-soi. Le non-soi. Ces lymphocytes vont s'activer, notamment grâce à d'autres lymphocytes, les lymphocytes B, qui vont aider les lymphocytes B à se devenir des super usines à anticorps. Chaque lymphocyte, on a des diversités multiples, c'est des millions de types d'anticorps. Lymphocytes B différents, chacun va faire des anticorps différents, mais un type de lymphocyte B va faire un type d'anticorps, donc chaque lymphocyte B finalement est sa petite usine à anticorps monoclonaux. Mais comme on va avoir un signal qui est assez varié, on va avoir en réponse à une infection, production d'anticorps polyclonaux, c'est-à-dire qui reconnaissent plusieurs morceaux d'une protéine de microbes, de virus, de bactéries par exemple. Ces anticorps après fonctionnent de différentes manières, soit ils vont être capables de neutraliser une bactérie, notamment en entourant la bactérie en surface, et également ça va permettre d'une part de fixer la bactérie par sa partie constante, comme disait Caroline, mais par sa partie constante, il va s'accrocher à certaines cellules de l'organisme, notamment les macrophages, qui sont une sorte de déboueurs de l'organisme et qui vont manger, en fait, les bactéries, par exemple, qui sont entourées d'anticorps. C'est ça. Donc, en fait, effectivement, il y a autant d'anticorps qu'il y a d'antigènes, il y a autant d'anticorps qu'il y a de non-soi, et le but de l'organisme, c'est de produire des anticorps qui soient adaptés, justement, à ce type... Il y a deux choses, je pense, sur lesquelles il faut insister, qui ne sont pas évidentes. Vous disiez inné, acquis, inné. Quand on va avoir une première attaque par une substance étrangère contre laquelle on doit se défendre, il y a l'immunité immédiate, c'est reconnu comme un danger pour l'organisme, et là, c'est... Ça n'a pas besoin d'une mémoire immunologique. Les anticorps, comme les lymphocytes T, qui sont d'autres lymphocytes que les lymphocytes B, ce sont les vecteurs de notre mémoire immunologique. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, à la première rencontre, ils vont s'exciter, fabriquer leurs anticorps ou fabriquer leurs lymphocytes T spécifiques de cet antigène. Et puis, à la prochaine rencontre, ils vont être déjà bien prêts pour aller au bon endroit et proliférer rapidement. Donc c'est très important cette notion de mémoire immunologique, de première sensibilisation, de premier contact et après de mémoire immunologique. C'est le principe de la vaccination par ailleurs. Exactement. Mmh. Et quand vous parliez, vous posiez la question de la diversité, ça a été un mystère pendant longtemps jusqu'à ce qu'on comprenne comment est-il possible qu'avec le volume qu'on a, hein, on ne fait pas 40 mètres cubes chacun. Non. Comment est-il possible qu'on contienne des lymphocytes qui sont capables de reconnaître potentiellement toutes les substances étrangères qu'on peut rencontrer? Eh bien, ça, c'est le résultat de quelque chose d'extrêmement incroyablement intelligent de notre système immunitaire qui, à la faveur de recombinaisons de séquences d'ADN, va être capable de fabriquer un nombre énorme, un nombre, je dirais infini, c'est pas infini, mais un nombre extrêmement important de séquences de reconnaissance de différents antigènes. Cette fameuse part variable qui va se fixer, voilà, de l'anticorps sur l'antigène. Si je devais symboliser un peu, les anticorps, on les représente facilement comme des Y. Les parts variables, voilà, c'est les petits bouts du Y. Exactement. Qui sont, Y, c'est mieux que triangle. Exactement. Ouais. qui vont être chacune spécifique à un type d'antigène ou de non-soi. Et qui vont se fixer, voilà, avec ces deux parties du Y, là, ces deux têtes du Y, comme une petite prise. Voilà, sur le non-soi, et la part constante, c'est l'autre côté, elle qui va aller appeler les macrophages. Exactement, comme disait Delphine, qui va activer d'autres cellules et qui va... Ouais. Voilà, maintenant que vous avez à peu près un cours d'immunologie express en 5 minutes montre en main, peut-être faire aussi un petit détour pour bien réexpliquer, Delphine Loira, vous l'avez dit, mais ce qu'on entend par anticorps monoclonal à l'inverse et à la différence des anticorps polyclonaux, puisque ça va être le cœur de notre discussion et de la compréhension de la façon justement de la production de ces anticorps après. Alors, les anticorps polyclonaux, c'est finalement une réponse adaptative qui est physiologique. C'est-à-dire que quand on est infecté, par exemple, par une bactérie, on va produire un nombre important d'anticorps qui vont être différents. À la fois, ils vont reconnaître des morceaux différents de la bactérie, mais également, ils vont avoir des forces différentes, une affinité pour la bactérie différente. C'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher plus ou moins fort à la bactérie. Par contre, quand on parle d'anticorps monoclonaux, c'est-à-dire qu'on produit des clones, c'est-à-dire tous les anticorps seront strictement identiques avec la même affinité et leur partie du Y, le haut du Y, le bout de la prise si on peut dire, qui seront strictement identiques. On peut peut-être aussi préciser que la fonction des anticorps, ça n'est pas que de provoquer la lyse de ces antigènes ou de les faire phagocyter par d'autres lymphocytes. On peut aussi préciser, parce que ça va être important pour la suite de nos conversations, que parfois ils peuvent aussi neutraliser les antigènes, Caroline Robert, que c'est important, que ça les empêche de fonctionner, en fait. Oui, et ça peut même parfois, au contraire, les stimuler. Il y a même des anticorps qui sont des agonistes. Donc, selon la séquence précise de l'anticorps, on peut avoir des effets variables. Nous, en thérapeutique, en général, on repère une cible qu'on veut bloquer ou qu'on veut neutraliser et on utilise des anticorps bloquants qui vont empêcher la signalisation de s'effectuer. Mais quand on les utilise en recherche, on les utilise pour reconnaître quelque chose, donc juste pour se fixer, pas forcément avoir un effet fonctionnel, ou parfois même ils peuvent être stimulants, ce qui est encore plus compliqué. Ouais. Et donc pour conclure cette partie introductive, on peut dire qu'en fait les anticorps monoclonaux, nous n'en possédons pas dans notre organisme. Ça, c'est quelque chose qui ne peut exister qu'en laboratoire, on produit spontanément des anticorps polyclonaux. Ben nous, on n'a pas des anticorps monoclonaux en grande quantité. On a des anticorps contre plein de déterminants antigéniques. Ouais. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de ces anticorps monoclonaux et de la grande diversité des applications thérapeutiques qu'ils permettent, notamment en oncologie ou en cancérologie, mais pas que, comme vous allez le voir dans un instant. Nous en parlons en compagnie de Caroline Robert et de Delphine Loira. Peut-être que l'on peut dire un mot, là aussi ça va être important, parce qu'on va voir que ça change beaucoup de choses sur la recherche et sur la fabrication de ces anticorps monoclonaux, justement de la façon dont on les produit. Et cette façon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Caroline Robert, a beaucoup évolué avec le temps. On ne les produit pas dans les années 80, à la fin des années 80, comme on les produit aujourd'hui. À l'origine, on passe par des modèles animaux. Oui, effectivement. Au début, on injectait un antigène à des souris. On récupérait les lymphocytes qui fabriquaient les anticorps dans la rate de la souris. Et après, on utilisait des systèmes pour faire fusionner ces cellules B avec d'autres cellules, les cellules de cancer dérivées des cellules B. Et on utilisait, comme c'était des cellules cancéreuses, elles prolifèrent beaucoup. Et du coup, en faisant fusionner ces cellules avec celles qui fabriquent les anticorps et en utilisant des techniques qui permettent d'éliminer les cellules non fusionnées, on arrivait à obtenir ce qu'on appelle des hybridomes, hybrides, parce que deux cellules, qui fabriquaient beaucoup d'anticorps. Et alors après, il y a des processus de tri pour récupérer, si on veut, des monoclonales. Pour avoir l'anticorps que l'on souhaite obtenir de façon exclusive. Parce que si on fait ça comme ça, on obtient, comme on disait tout à l'heure, deux multiples clones. Et on peut utiliser d'ailleurs d'autres animaux. Parfois, ça se fait chez les lapins. Enfin, bon, on utilise des animaux pour fabriquer ces anticorps. Et puis, quand on fait ça, on obtient des anticorps animaux, qui sont produits par l'espèce qu'on utilise. Et peu à peu, au fil des ans, on est arrivé à humaniser ces anticorps. Donc on utilise donc des anticorps murins, des anticorps de lapin ou des anticorps même de chèvre. Cela, on les utilise en recherche, pas en thérapeutique. Après, on les a humanisés en arrivant par des techniques de biologie moléculaire et de produits, enfin de génie génétique, à utiliser des parties humaines de ces anticorps. Et maintenant, on arrive même, avec des souris génétiques génétiquement modifiés, à fabriquer des anticorps humains. Parce que le problème, Delphine Loira, de ce modèle animal, c'est que eh bien, du coup, effectivement, ces anticorps, ils étaient reconnus totalement comme du non-soi, ils déclenchaient eux-mêmes une réaction immunitaire. Exactement, donc des réactions qui peuvent s'apparenter à de la fièvre, des frissons, et voire des réactions de type allergique sévère. Donc là, globalement, c'était un frein à leur développement, alors que maintenant, sur le plan de la tolérance immédiate, la plupart des anticorps sont extrêmement bien tolérés. Après, ils ont des toxicités spécifiques. Comment aujourd'hui, alors j'ai lu en préparant cette émission qu'effectivement on arrive à créer des anticorps monoclonaux humains, mais la technique pour le coup, corrigez-moi si je me trompe, Caroline Robert, les techniques sont encore assez imprécises, assez peu efficaces et assez chères. Bah oui, en fait, on est amené à utiliser en thérapeutique parfois des anticorps juste humanisé et pas humain. Il n'y a pas énormément d'anticorps vraiment humains. C'est vrai que ça coûte cher, c'est pas techniquement pas hyper facile. Mais d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que disait Delphine quand elle disait qu'il y avait des intolérances aux anticorps qui n'étaient pas strictement humains. On recherche, nous, à chaque fois qu'on injecte des anticorps à des patients, on recherche des anticorps anti-anticorps, vous voyez ? Parce qu'effectivement, il y a une espèce de réseau qui peut se créer et on peut, d'une part, ça immobilise notre anticorps thérapeutique et d'autre part, ça peut créer d'autres maladies d'agrégation d'anticorps entre eux. Justement, Delphine Loira, alors sur ces anticorps qu'on appelle chimériques, qui sont mi-humains, pas tout à fait, non ? Si, vous n'aimez pas beaucoup le terme ? Non, enfin, qui sont humanisés, on va dire. Sont humanisés, alors, humanisés plutôt que chimériques. Aujourd'hui, on a un retour depuis le temps qu'on les utilise, puisque c'est ceux qui sont utilisés le plus fréquemment, comme vient de le dire Caroline Robert, sur précisément les effets indésirables ou sur la toxicité de ce type de traitement chez les patients. Oui, comme on les utilise en pratique clinique, on a un retour, on connaît en fait leur tolérance et les risques de réaction immédiate à l'injection. C'est souvent qui nécessite une surveillance de patients en milieu médical. Dans la plupart des cas, ça se passe extrêmement bien. Éventuellement, on donne des médicaments, on appelle ça des prémédications, comme des antihistaminiques, des anti-allergiques aux patients avant l'injection pour éviter justement ces réactions de réaction allergique immédiate, et globalement ça se passe très bien. Après, il y a tout ce qui est toxicité spécifique, mais là ça dépend plutôt de la partie variable finalement de l'anticorps, de quelle cible l'anticorps va reconnaître dans l'organisme, et là on aura des toxicités extrêmement spécifiques. Certains donnent, par exemple, toutes les molécules qui ciblent HER2 dans le cancer du sein, donnent des toxicités cardiaques. HER2 qui est le gène de, qui donne une sensibilité supérieure normalement. En fait, c'est une protéine exprimée par certains cancers du sein, à peu près 20% des cancers du sein, et c'est une cible thérapeutique parce que c'est une voie d'activation de la cellule tumorale, c'est une voie qui permet à la cellule tumorale de se multiplier. Donc on la bloque avec les anticorps, et en fait HER2 est exprimé aussi par certaines cellules du cœur, donc en fait ça peut avoir une toxicité sur le cœur, donc on surveille les patients par des échographies cardiaques régulières. Voilà. Et puis après, il y a d'autres toxicités par type d'anticorps. Voilà, mais ça, c'est des toxicités précises en fonction, effectivement, des anticorps. Les effets indésirables génériques de type allergique, finalement, aujourd'hui, on sait bien, relativement bien les maîtriser. Et non, vous n'avez pas l'air complètement convaincu. Non, si, justement, je dirais qu'il y en a... Enfin, on n'est pas tellement confronté à ça. C'est pas le principal problème. On sait assez bien les gérer. Ils sont pas très fréquents, enfin... Moi, je n'utilise que des anticorps qui sont dirigés contre des molécules impliquées dans le cancer et j'ai très peu de problèmes de toxicité immédiate. Ce qui est en général l'une des qualités que l'on fait valoir quand on parle effectivement de l'efficacité et de l'absence d'effets indésirables de ces anticorps, outre les effets spécifiques que Delphine Loirat expliquait à l'instant. Alors il y a des nouvelles techniques de production qui sont assez prometteuses, hein, outre ces modèles humanisés ou qui passent encore par des modèles animaux, des techniques que l'on dit encore non conventionnelles. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu avec Sarah Higemans à l'Institut Pasteur à Paris, où l'on développe précisément une toute nouvelle technique de production. Oui, nous avons rencontré Hugo Mouquet, qui est immunologiste et responsable de l'équipe Réponse Humorale aux Pathogènes. Il nous a fait visiter le laboratoire de l'équipe, qui est une véritable usine de production d'anticorps monoclonaux à partir de cellules humaines. Hugo Mouquet nous explique comment sont produits au laboratoire ces anticorps et pourquoi la méthodologie suivie par son équipe a un intérêt dans le cadre de recherches de vaccins contre le VIH, le chikungunya ou encore certaines hépatites. Nous, on travaille sur les cellules qui produisent ces anticorps, qu'on appelle les lymphocytes B. Et là, on a un espace dédié exclusivement à la production des anticorps en cellules uniques pour ne pas être contaminé avec le reste du laboratoire. Donc ça, c'est un P2. C'est là où on utilise ces petites usines qui sont des cellules eucaryotes qui vont produire les anticorps. Donc ce que vous voyez là, les flasques qui bougent, c'est des cellules en culture pour lesquelles on a ajouté les ADN qui vont coder pour ces anticorps. Et donc là, elles sont en train de produire, elles ont, on va dire, absorbé, ingéré l'ADN, et elles s'incorporent dans les cellules, et les cellules se mettent à produire des anticorps. Alors, c'est ce qu'on appelle une transfection transitoire, c'est des cellules immortalisées d'origine humaine, des cellules initialement qui viennent de cancer, qui ont été prélevées chez des gens qui avaient une tumeur, et donc ces cellules, on est capable d'assembler l'ADN qui code pour l'anticorps sous forme de complexe, et les cellules vont absorber ce complexe et vont commencer à produire les protéines des anticorps comme si c'était leur propre protéine. Donc avant de produire les anticorps, il faut qu'on amplifie l'ADN qui va coder pour ces anticorps. Et donc là, on ne fait pas ça dans des cellules eucaryotes humaines, on fait ça dans des bactéries. C'est la méthode classique pour amplifier l'ADN. Donc là, c'est ce que vous voyez, pareil, des flasques de bactéries en culture pour lesquelles elles ont le plasmide, le vecteur, l'ADN qui code pour les anticorps. Et donc, elles l'amplifient. À chaque fois qu'elles poussent, elles se divisent et elles amplifient de cette manière l'ADN de... code pour l'anticorps, et c'est cet ADN plasmidique qu'on va envoyer dans les cellules eucaryotes pour qu'elles puissent fabriquer l'anticorps. Alors là, c'est encore plus usine. Donc là, ici, vous avez toute la partie biologie moléculaire. Je vais vous l'expliquer comment nous, on fabrique les anticorps. On va chercher l'ADN qui code pour ces anticorps dans les lymphocytes B, qui sont les cellules du système immunitaire qui produisent ces anticorps, et on les reconstitue de manière, entre guillemets, artificielle, mais à l'identique de ce qui est produit par la cellule, par des outils de biologie moléculaire, dans des tubes, en laboratoire. Et ça, c'est des appareils robotiques pour qu'une fois que les anticorps sont produits, on les purifie, on a dans notre petit tube uniquement l'anticorps et rien d'autre, et on teste l'activité de l'anticorps dans ces plaques en plastique qu'on appelle des plaques ELISA. Donc là, tout est automatisé, et donc, voilà, les robots, c'est pas mal. On est revenu dans le calme de votre bureau. Sur quel type d'anticorps monoclonaux portent vos travaux de recherche? Et dans quel but? Nous, c'est assez simple. Certains individus montrent de très bonnes réponses de type anticorps contre certains agents infectieux. Et nous, on essaie de comprendre, donc ça à un niveau fondamental, comment se montrent ces très bonnes réponses anticorps et comment fonctionnent ces anticorps. Donc nous, notre activité, elle est quasiment exclusivement dirigée sur l'étude des réponses lymphocytaire B ou anticorps contre les agents infectieux et qui touchent les hommes exclusivement. On ne fait pas d'études chez la souris, c'est vraiment uniquement chez l'homme. Et donc, il y a ce côté fondamental. Et puis, il y a un côté un petit peu plus pratique, qu'on appelle dans notre jargon un côté translationnel, où l'étude des anticorps nous permet, dans certains cas, avec ses connaissances sur les bons anticorps, comment ils fonctionnent, de générer de nouveaux types de vaccins, de générer de nouvelles approches vaccinales, voire d'utiliser directement les anticorps en thérapeutique. Donc pour essayer d'éliminer l'infection X contre un pathogène donné, que ce soit le VIH, des infections chroniques, la grippe, etc., en injectant un anticorps monoclonal qui pourrait neutraliser, tuer le virus, tuer les cellules infectées et donc arriver à la rémission de l'individu. Ça, c'est le côté un petit peu plus santé, application et puis le côté translationnel, on va dire. On a vu un petit peu cette usine de production d'anticorps monoclonaux dans laquelle vous travaillez, les différents laboratoires dans lesquels on est passé. Quelle est votre méthodologie de production de ces anticorps-là? Comment, point par point, vous produisez ces anticorps? Alors nous, on n'a pas une approche conventionnelle de type immunisation de l'animal. On va directement voir ce que fait la nature. C'est-à-dire que quand un individu est infecté ou vacciné, il va monter une réponse immunitaire. Et parmi cette réponse immunitaire, il va générer des lymphocytes B qui vont produire des anticorps spécifiques contre le pathogène donné. Et donc nous, on utilise comme source de production de nos anticorps monoclonaux les cellules B qu'on isole des sujets vaccinés, des sujets infectés ou en rémission ou qui ont survécu. Et donc c'est ce type d'anticorps qu'on utilise et donc on utilise comme source, comme matrice, le lymphocyte B issu du patient ou du vacciné qui va produire l'anticorps spécifique contre le VIH, le virus du chikungunya, le virus des hépatites, etc. Parmi les étapes de production de ces anticorps, comment vous testez l'affinité d'un certain anticorps pour le pathogène ? Quand on fabrique ces anticorps monoclonaux, on regarde plusieurs propriétés de l'anticorps, c'est ce que j'appelle la carte d'identité. Et l'affinité, la force de fixation de l'anticorps à sa cible, par exemple à la protéine d'enveloppe virale, on la mesure par des méthodes biophysiques où on regarde l'interaction de l'anticorps ultra pur, une seule molécule, comparée à une molécule protéine virale, et on regarde l'interaction et on mesure cette force d'interaction qu'on appelle binding en anglais, et l'affinité, c'est la mesure biophysique de cette force de fixation, on va dire. Et la deuxième partie de cette cartographie, on va dire, c'est tous les aspects fonctionnels. Comment fonctionne l'anticorps? Est-ce qu'il est capable de neutraliser le virus? Est-ce qu'il est capable de neutraliser les différents variants du virus s'ils se diversifient, comme le VIH ou la grippe? Est-ce qu'il est capable de tuer des cellules infectées quand le virus infecte les cellules? Est-ce qu'il est capable de protéger des tissus, la pénétration du virus? Il y a certains virus qui pénètrent par les muqueuses, c'est le cas du VIH, qui pénètre dans le cerveau. Est-ce que les anticorps, en s'accrochant au virus, vont empêcher la pénétration du virus ou de l'agent pathogène? Donc nous, on a mis en place notre démarche de recherche en utilisant cette approche de recherche et cette approche méthodologique en nous basant sur notre expérience sur le VIH. Et l'idée, c'est d'étudier comme ça la réponse de type anticorps contre pas mal de différents virus, à la fois pour essayer de comprendre les réponses, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, en essayant d'isoler des candidats anticorps qui pourraient être utilisés comme des molécules immunothérapeutiques. Et on a, dans nos pipelines, plusieurs de ces candidats contre différents virus, que ce soit l'hépatite B, le chikungunya et aussi le VIH, de nouvelles molécules, on en trouve régulièrement. Voilà le reportage du jour à l'Institut Pasteur où on précise bien évidemment qu'on en est au stade de la recherche fondamentale in vitro et que pour le moment tout cela reste encore à développer. On n'est même pas à les stades précliniques, on est encore vraiment très très en amont de la recherche. Je pense toujours important de le préciser quand on parle évidemment de recherche sur des affections aussi lourdes et aussi graves que le VIH. Mais tout de même un mot sur la méthode de production et sur ces travaux qui sont menés en ce moment à l'Institut Pasteur. Delphine Noira pour commencer, puis Caroline Robert. C'est sûr que de permettre la production dans des cellules humaines permettra d'éviter justement tous ces problèmes d'anticorps humanisés mais produits souvent dans des systèmes murins, donc de souris. Et puis peut-être avoir une méthode de screening, en fait, de déterminer ceux les plus efficaces plus rapidement. Ouais. Karine Robert. Oui, moi je trouve que c'est extrêmement prometteur ces travaux parce que il nous explique bien qu'il va étudier la réponse chez différentes personnes et on se défend différemment. Si vous et moi on attrape le même microbe, on va pas se défendre de la même façon. Il y a plein de variations entre deux individus qui vont faire qu'on va se défendre différemment. Et une des différences repose sur le type d'anticorps produit, leur nombre, leur quantité, leur affinité. Et donc, si on étudie ça en détail, ça va être passionnant. Mais je voulais revenir peut-être un peu plus à la base. Je suis pas sûre que pour tous les auditeurs, ce soit hyper clair, par exemple, que quand on veut savoir si on a une hépatite virale ou si on est vacciné efficacement ou si on a attrapé le virus du sida ou si on a attrapé une syphilis, qu'est-ce qu'on regarde dans le sang ? C'est la présence d'anticorps. Enfin, je voulais le rappeler, bien ça sûr. Paraît peut-être évident, mais on regarde dans le sang si on a des anticorps qui sont le témoin d'une infection, plus ou moins récente d'ailleurs, parce que selon le type d'anticorps, on a la cicatrice récente ou ancienne de l'infection. Du déclenchement d'une réaction immunitaire. Si on fait un test pour voir vis-à-vis de l'hépatite B, on va mesurer dans le sang la présence et la quantité d'anticorps antivirus de l'hépatite B. Juste pour remettre ça dans un contexte plus habituel que la thérapeutique. Bien sûr. On va parler de vos spécialités, c'est-à-dire de cancérologie, dans un instant. Aujourd'hui, pour le moment, je le disais à l'instant, Delphine Loira, ces pistes de réflexion sur d'autres types d'affections de type viral, c'est effectivement un pan extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous l'estimez, vous, de votre position, bien sûr, sans être spécialiste de la virologie? Alors, pour affaire, j'ai fait ma thèse en virologie dans l'hépatite B, le VIH. Alors, comme vous pouvez nous leur dire d'autant plus. Non, dans les paniques, justement, ça a été d'abord les premières voies de recherche, notamment dans le VIH et dans les hépatites B, c'est comment on peut essayer de substituer le système immunitaire qui est défaillant, parce qu'en fait, dans la plupart des infections, notre système immunitaire arrive à mettre dehors le virus, entre guillemets. Donc, certains patients arrivent très bien à se défaire d'une hépatite B, d'une hépatite C, non pas du VIH. Et on sait que ces patients présentent des taux importants d'anticorps. Alors que d'autres vont s'infecter de façon chronique. Donc l'idée, justement, c'est essayer, est-ce qu'on pourrait transférer des anticorps qu'on produirait au laboratoire à ces patients qui n'arrivent pas à se débarrasser par leur système immunitaire propre du virus. Et donc c'est des très bonnes recherches, hein, juste pour faire un parallèle, hein, dans certains virus du nouveau-né, hein, certains virus, on peut faire des transferts d'anticorps pour éviter que des nouveau-nés, notamment les prématurés, fassent des infections virales graves pour des tout-petits parce que leur système immunitaire est immature, inadapté. Donc voilà, donc en faisant le parallèle, on essaye, hein, le transfert d'anticorps, c'est une vieille méthode, hein, parce que avant c'est ce qu'on faisait pour la rage notamment, hein, on faisait de la sérothérapie. La sérothérapie, c'est du transfert d'anticorps polyclonal, et ça marche. Donc voilà, globalement c'est une voie de recherche prometteuse, notamment pour les infections virales. Karine Robert, votre opinion? Oui, je suis tout à fait d'accord, j'ai rien à ajouter sur cette question particulière. La méthode scientifique, Nicolas Martin. You really don't have nothing if you don't have your health. You really don't have nothing if you don't have your good health. You can have money and you can have fame, but it don't mean a thing without good health. What sense in being rich if you always feeling sick? What good is fame if everything remains the same? You can have money and you can have fame, but it don't mean a thing without good health. My friend of 40 years retired from his job. 2 years later, man, they opened up the man's heart. You really don't have nothing if you don't have your good health. You can have money and you can have fame, but it don't mean a thing without good health. Health, ou la santé, de Mud Morganfield sur France Culture à 16h35, puisque comme tous les lundis, nous parlons du vivant, de santé, de médecine, de recherche biomédicale. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous parlons des anticorps monoclonaux en compagnie de Caroline Robert, qui est responsable du service de dermatologie au centre Gustave Roussy, directrice de l'équipe de recherche sur le mélanome dans l'unité INSERM, identification des nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie, et en compagnie également de Delphine Loira, qui est cancérologue et immunologiste, spécialiste en immunothérapie dans l'unité d'investigation clinique de l'Institut Curie. Alors venons-en précisément aux applications de ces anticorps monoclonaux. On en a parlé évidemment un peu dans la première partie de l'émission, mais on va rentrer un peu plus dans la précision. Peut-être pour dire, pour commencer, Caroline Robert, que les toutes premières applications en 1986, hein, c'est pour traiter plutôt des inflammations. Notamment la polyarthrite rhumatoïde. Mais oui, en fait, les anticorps monoclonaux peuvent être dirigés contre différentes molécules, qu'elles soient impliquées dans les maladies inflammatoires, souvent auto-immunes. Et maintenant, c'est un peu le contraire. En fait, on est en train un peu de désamorcer le système immunitaire, de le booster en désamorçant des freins du système immunitaire, alors que quand on traite des maladies auto-immunes, on veut plutôt le calmer. Donc on peut faire une chose et le contraire, en choisissant la bonne cible avec cet outil très pratique qu'est l'anticorps monoclonal. Et je pense que le grand boom qu'il y a eu là ces dernières années avec les anticorps monoclonaux, c'est vraiment l'utilisation en cancérologie. Et ça a commencé avec le mélanome. Je pense que c'est un peu pour ça que je suis là. Et le mélanome qui était un cancer vraiment dévastateur, très très rapidement mortel quand on était dans un stade avancé. Maintenant, on arrive vraiment à parler de guérison pour certains patients, malheureusement pas tous, en grande partie grâce à l'utilisation de ces anticorps monoclonaux. Quelles ont été justement, Delphine Loira, les premières applications? À quel moment on s'est rendu compte que ces anticorps monoclonaux, ça ne servait pas que pour les maladies auto-immunes ou inflammatoires, mais que ça pouvait commencer à cibler des cellules tumorales? Alors, les premiers, c'est en hématologie, notamment en ciblant le CD20 dans certaines pathologies, donc du système hématologique. Mais dans le CD20. Le CD20, pardon. C'est-à-dire? Donc le CD20, c'est une molécule du système immunitaire qui est surexprimée par notamment certains lymphocytes et certaines cellules tumorales. Donc si on cible avec des anticorps, on peut bloquer en fait ces cellules tumorales et les détruire. Dans les tumeurs solides, donc les premiers anticorps, dans les premières applications, c'est dans certains cancers du sein. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, les cancers du sein qui surexpriment HER2, c'est à peu près 20% des cancers du sein. Ça a complètement changé l'avenir des patients qui avaient cette maladie. C'était une maladie qui était très agressive. C'était les cancers du sein qu'on classait les plus agressifs, avec des risques de rechute et des patients au stade métastatique qui avaient des survies limitées. Et maintenant, c'est des patients qui ont des survies extrêmement longues grâce aux anticorps monoclonaux. Et entre guillemets, l'expression d'HER2 avant les années 2000 était un facteur de mauvais pronostic et une mauvaise nouvelle pour le patient. Donc HER2, on reprécise, c'est cette protéine qui est surexprimée. Et maintenant, quand on a un patient qui vient nous voir dans une consultation, qui a un cancer du sein métastatique et qu'on attend le résultat pour savoir si ça exprime HER2, quand on obtient le résultat que le patient surexprime HER2, il doit pouvoir avoir accès à ces traitements. Pour nous, c'est presque une bonne nouvelle. On leur dit que finalement, on va probablement sans aller à la guérison, mais leur proposer des traitements sur le très long terme et leur permettre d'avoir une qualité de vie correcte avec des patients qui continuent à aller travailler, qui ont une vie quasi normale. Alors, on va parler de ces différents types de cancers aujourd'hui, et puis surtout de l'action de ces anticorps monoclonaux sur ces différents types de tumeurs. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui peut être éligible, ou est-ce que ce sont des cancers spécifiques, ou est-ce qu'au sein de ces cancers spécifiques, seulement certaines personnes peuvent être éligibles à ce type de traitement, Caroline Robert? Les deux, en fait. Parce que si vous, on vient d'entendre Delphine, si vous avez un cancer du sein qui n'exprime pas HER2, il n'y a pas d'intérêt à donner ce médicament. En fait, souvent, on fait la différence et en fait, c'est un petit peu... Ça induit un peu de confusion parce qu'on fait toujours la différence entre thérapie ciblée, avec l'idée de taper directement sur le cancer en utilisant une molécule qui va inhiber ce récepteur impliqué, ou l'immunothérapie en disant qu'on va utiliser un anticorps qui va bloquer une molécule. Et en fait, souvent, on fait de la thérapie ciblée avec anticorps. Donc on fait en même temps immunothérapie et thérapie ciblée. Quand on utilise un anticorps anti-R2, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, dans certains cas, quand on fait une thérapie ciblée via anticorps, comme par exemple, on veut cibler le récepteur de EGF, qui c'est Epidermal Growth Factor, qui est surexprimé aussi dans certains cancers, et que c'est vraiment c'est un médicament qu'on utilise beaucoup dans certains cancers, du côlon, de la peau, de plusieurs cancers. Là, on a intérêt à avoir la molécule exprimée et surexprimée. En revanche, dans ces cas-là, je vous interromps, dans ces cas-là, les anticorps, ça permet d'inhiber précisément ces récepteurs-là et donc d'empêcher finalement les cellules de proliférer, oui. C'est bien ça? Oui, parce qu'en se fixant sur les cellules qui expriment de façon importante cette molécule, en fait, ça va les tuer, ça va les neutraliser. Mmh. En revanche, les anticorps qu'on utilise dans le mélanome sont des anticorps qui bloquent un mécanisme de frein physiologique du système immunitaire. Donc, quand on bloque... Alors, en fait, vous savez, dans l'organisme, il y a toujours, dans toutes les régulations, il y a une régulation positive et une régulation négative. On est capable de faire le yin et le yang à peu près pour tout. Et si on bloque un frein, ça fait moins par moins, ça fait plus. Nous, quand on fonctionne normalement, quand notre système immunitaire fonctionne normalement et qu'on rencontre un antigène, on va faire une réaction, on va fabriquer des anticorps, on va fabriquer des lymphocytes T spécifiques. Et puis au bout d'un moment, notre organisme va dire, c'est bon, là j'ai bien compris que si jamais cette chose-là revient, je vais être prête. Mais ça s'arrête parce que le lymphocyte ne va pas continuer de proliférer sans arrêt, de fabriquer des substances inflammatoires. Et... dans ce signal d'arrêt, il y a des molécules, notamment une molécule qui s'appelle CTLA4, une molécule qui s'appelle PD1, et il y en a beaucoup d'autres, mais je cite ces deux-là parce qu'elles ont été les premières cibles des anticorps qui bloquent on utilise beaucoup le mot anglais checkpoint, inhibitory checkpoint, ça veut dire point de contrôle négatif du système immunitaire. Voilà. Donc on bloque ces points, donc c'est assez aspécifique comme effet, parce qu'on va aussi bloquer des réponses immunologiques, on va aussi activer des réponses immunologiques vis-à-vis d'autres substances, mais en bloquant cela, on va libérer le système immunitaire parce qu'on va lui enlever un frein. On va lui dire de continuer finalement son effet rechercher. Voilà. Et le premier anticorps de cette famille, donc c'était un anticorps anti-CTLA4 qui a pour la première fois, donc dans le mélanome métastatique, a donné un effet vraiment significatif avec peu de patients qui répondaient, mais des patients qui répondaient pendant très longtemps et quelques patients guéris. En revanche, beaucoup d'effets secondaires parce que c'est un effet aspécifique. Si vous donc bloquez... plus c'est large et plus ça peut agir à d'autres endroits. Et donc les types d'effets secondaires, vous allez le comprendre, c'est très logique, c'est que comme on active trop le système immunitaire puisqu'on ne l'inhibe pas assez, eh bien il peut parfois s'activer contre des organes qui fonctionnent très bien. Donc on peut avoir par exemple une colite auto-immune qui ressemble à certaines maladies auto-immunes, par exemple la maladie de Crohn. Bien sûr. Pour laquelle, par ailleurs, on utilise aussi des anticorps monoclonaux. Mais qui veulent faire le contraire. Exactement l'inverse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qu'il faut peut-être aussi bien comprendre et bien préciser, c'est qu'il y a un certain nombre de tumeurs, je me retourne vers vous, Delphine Loira, qui précisément réussissent à sécréter en tout cas des substances qui inhibent le système immunitaire. Mmh. Quand la tumeur débute, elle dit au système immunitaire, pop, pop, tout va bien, laissez-moi continuer mon truc. Et justement, c'est exactement ça qu'on fait quand on redéclenche le système immunitaire, c'est pour aller contre cet effet-là des tumeurs. C'est une notion qu'on a qui est relativement récente de tous ces mécanismes que le tumeur, mais également toutes les cellules du micro-environnement tumoral. En fait, faut imaginer que les cellules tumorales ne sont pas seules, isolées dans l'organisme. Elles sont entourées de cellules normales, mais qui sont un peu retournées contre le système immunitaire et qui arrivent en fait à éviter des réponses immunitaires efficaces par des sécrétions de substances, également par l'expression de certaines molécules pour leurrer le système immunitaire, notamment elles expriment le PD-L1 et en fait c'est un moyen de dire aux lymphocytes ne m'attaque pas, en fait je suis gentille. Ou en tout cas pas besoin de t'activer face à moi, et puis sécrète également des petites molécules. Également on n'a pas parlé dans les anticorps monoclonaux en tumeurs solides, finalement on peut les classer en trois groupes. Il y a celles qui vont cibler en fait un récepteur ou une voie d'activation, où là l'idée c'est de bloquer cette voie d'activation, comme HER2, comme les anti-EGFR. Également il y a les anticorps qui vont bloquer ce qu'on appelle la néoangiogénèse, c'est-à-dire la capacité qu'une tumeur a à créer de nouveaux vaisseaux. En fait, une tumeur, à se vasculariser. Une tumeur a besoin d'apporter à elle de l'oxygène et des nutriments. Et pour ça, il faut qu'il y ait des nouveaux vaisseaux qui se créent, des micro-vaisseaux dans la tumeur. Et donc, en fait, on peut bloquer la création de nouveaux vaisseaux avec un anticorps, par exemple, qui s'appelle le bevacizumab, qui est un anticorps, moi je me souviens quand j'étais étudiante, ça allait révolutionner la cancérologie solide. Globalement, ça apporter des choses à certains patients, mais c'est pas si révolutionnaire. C'est pour ça qu'il faut toujours moduler nos propos quand il y a des nouvelles molécules. Et puis donc, ces nouveaux anticorps, qui sont les immune checkpoint inhibiteurs, où là, c'est vrai que c'est un grand espoir pour les patients, donc à la fois dans le mélanome, mais on voit également d'autres types de tumeurs solides, hein, cancer pulmonaire, ORL, et avec des applications qui vont probablement se multiplier dans les années à venir. Moi, je pense que je suis très heureuse d'être oncologue en 2018 parce que je pense que je vais voir des nouveaux traitements tous les ans pour nos patients, et notamment ces anticorps monoclonaux qui ciblent le système immunitaire, on peut les ajouter à d'autres types de traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées, afin de rendre encore plus efficace le traitement. Alors justement, à ce propos et sur le lien, parce que les anticorps monoclonaux peuvent servir seuls, ils peuvent servir avec d'autres types d'anticorps monoclonaux, on peut en délivrer plusieurs à la fois, on peut les utiliser en complément de traitements classiques en oncologie, type chimio ou radiothérapie. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait il y a 2 ans seulement le professeur Thierry Facon, hein, dans le traitement des cancers résistants comme certains myélomes. Une des grandes avancées concernant le traitement du myélome, c'est l'apparition d'anticorps monoclonaux. 2 monoclonaux ont notamment retenu l'attention. L'un s'appelle l'elotuzumab. L'elotuzumab est un anticorps monoclonal qui cible une molécule présente sur les plasmocytes malins. À l'ASCO et lors de ce congrès, a été rapportée une étude que l'on appelle l'étude Sirius. L'étude Sirius consistait à donner du daratumumab en monothérapie, donc comme seul médicament, à des patients ayant un myélome très avancé. Or, ces patients avaient reçu, pour la très grande majorité d'entre eux, tous les médicaments connus du myélome. Donc, c'était vraiment des patients qui avaient reçu du lénalidomide, du bortézomide, du pomalidomide. Et dans cette population, en utilisant le seul daratumumab, on obtient des réponses chez environ 30% des patients. Ces médicaments ne sont toujours pas approuvés par l'autorité de santé européenne, mais enfin ils seront approuvés dans les années qui viennent, et ils seront probablement dans certains pays accessibles d'une certaine façon, peut-être dès l'année prochaine ou dans l'année 2017. Alors c'était en 2015, je ne sais pas si ces médicaments ont été validés ou ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, néanmoins il y a au moins moins d'une demi-dizaine d'anticorps monoclonaux qui sont mis sur le marché tous les ans en France. Une réaction, Caroline Robert, même assez effectivement, à ces cancers comme le myélome, qui sont des cancers effectivement extrêmement graves, avec des taux de survie très bas, et où d'un seul coup on s'ouvre des fenêtres thérapeutiques gigantesques. 30%, ça a l'air faible, mais c'est extrêmement important. On vit une révolution, hein, Delphine a raison. Je pense qu'on a énormément de chances de vivre ces années-là. Et les patients avec vous. Tous, on a de la chance. Évidemment, si il y a simplement 7 ans, vous étiez parti faire le tour du monde en vous disant c'est trop triste, j'arrive pas à soigner mes malades, et si vous revenez maintenant, vos patients avec un mélanome métastatique, Il n'y a plus un seul médicament que vous utilisiez avant que vous utiliseriez maintenant pareil. Enfin, il n'y avait quasiment rien qui marchait. Ça a complètement changé. Je voudrais juste dire un petit mot, peut-être pour... C'est tellement difficile à comprendre tous ces noms-là. C'est tellement compliqué. Juste une petite chose. Quand ça se termine par IB, en général, c'est des petites molécules inhibitrices. IB, c'est pour inhibitrice. En général, qui se prennent péros. C'est des traitements directs, ciblés, en général. Et quand ça se termine par AB, AB, c'est antibody, c'est anticorps. MAB, c'est monoclonal antibody. Voilà. Absolument. Vous faites bien de le préciser. On entend encore peut-être aussi une question. Alors, je suis désolé de revenir là-dessus parce qu'évidemment, mais c'est peut-être important de le comprendre. Et puis, c'est important que les auditeurs l'entendent bien. Et je peux vous en parler au premier chef. Quand le professeur Facon dit ça marche sur 30%, là, encore une fois, qu'est-ce qui discrimine ces 30% sur lesquels les anticorps monoclonaux fonctionnent, des 70% sur lesquels ça ne fonctionne pas? C'est strictement vraiment une question d'expression d'un certain nombre de gènes ou d'un certain nombre de marqueurs? Non. Globalement, ce qu'il exprime, c'est plus on s'avance dans la maladie, plus les patients qui ont reçu des traitements au préalable et sont en échec de certaines thérapeutiques validées, quand est-ce une molécule à avoir un taux de réponse objectif, c'est ce qu'il appelle ces 30%. Déjà 30% en recherche clinique précoce, c'est énorme. Caroline Robert a eu la chance de voir l'arrivée des premiers anti-PD-1, PD-L1, où là il y avait des taux de réponse faramineux au-delà de 30% dans le mélanome métastatique, mais déjà qu'on a 30% taux de réponse chez des patients qui sont en troisième ligne, c'est-à-dire qu'ils ont eu plusieurs, déjà au moins deux lignes de traitement, on pense que déjà la molécule a fortement des chances très fortes d'être validée par la suite dans les phases ultérieures, les phases 2 et les phases 3 qui vont permettre de montrer que c'est mieux que le traitement de référence. Donc après, il y a tout ce qui est recherche translationnelle. Quand on fait des essais cliniques, on prélève des cellules tumorales, on prélève du sang, on fait des analyses pour essayer de déterminer quels sont les facteurs de résistance, soit de résistance primaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui, au départ, permet de dire qu'un patient va répondre ou pas à un traitement, ou qu'est-ce qui va expliquer pourquoi un patient va résister secondairement, c'est-à-dire au cours du traitement, il répond, et puis tout d'un coup, il va ne plus répondre au traitement. Parce qu'il faut savoir que le cancer, les cellules, c'est quelque chose d'extrêmement plastique, et les cellules tumorales s'adaptent au traitement pour résister. La plupart du temps, les cellules tumorales finissent par résister au traitement qu'on leur donne. Et il y a énormément d'efforts à l'heure actuelle dans de nombreuses équipes de recherche qui permettent de savoir pourquoi un traitement va fonctionner, notamment pourquoi les anti-PD-1, PD-L1 fonctionnent ou pas chez certains patients. Là, il y a beaucoup de voies de recherche. On a déjà des réponses qui sont peut-être incomplètes, mais on sait par exemple que les cellules tumorales qui expriment en fait le récepteur PD-L1 vont plus facilement répondre aux anti-PD-1 ou PD-L1, ce qui est normal. Je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent que ce sont ces molécules qui inhibent le système immunitaire et qui empêchent une réaction immunitaire appropriée pour détruire les cellules tumorales. Exactement, c'est ce qui maintient en fait le système immunitaire, les lymphocytes endormis. En anglais, on appelle exhausted, le système immunitaire est épuisé, fatigué. Et quand on casse ce point de contrôle négatif, les lymphocytes deviennent activés. Donc globalement, on essaye de savoir pourquoi les patients résistent, il y a beaucoup de voies de recherche. Et voilà, donc on est quand même, extraordinaire d'être vraiment à l'endroit où on voit les nouvelles molécules arriver, de voir des patients qui répondent à de nouveaux traitements. C'est au quotidien extrêmement satisfaisant, même si on a un patient sur 10 qui va répondre à un nouveau traitement. C'est une chance pour lui et également une chance pour le développement à venir de la molécule. Caroline Robert, aujourd'hui, oui, peut-être une réaction pour compléter ce que vient de dire Delphine Noir. Quand on parle des réponses, il faut savoir qu'on parle pas tout à fait le même langage quand on parle du côté des médecins et des oncologues et du côté du public. Parce que quand on dit aux gens 30% de réponse, 50% de réponse et qu'on s'enthousiasme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les métastases ont diminué de façon significative. Donc nous, on a des seuils pour dire que c'est une vraie réponse. Et ça veut pas dire que plus tard, le cancer ne revient pas. Et quelquefois, on dit 30% de réponse, 40% de réponse, mais la durée moyenne d'efficacité du traitement, elle est de 6 mois ou elle est de 1 an. Et là, grosse déception. Parce que qu'est-ce qu'on veut, en fait, ultimement ce qu'on veut, maintenant, on est devenu très exigeant. On veut guérir les patients. On veut pas... Bon, on est content que la maladie évolue plus lentement, mais on est en droit d'espérer plus. Parce que c'est ce qu'on voit avec le mélanome. On a ce qu'on appelle des réponses complètes. Alors là, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune métastase visible au scanner, à la palpation, à l'examen. Et encore mieux, mais malheureusement c'est pas tous les patients, ça arrive chez 20% de nos patients traités avec les dernières immunothérapies, donc anti-PD-1, seul ou combiné, à peu près 20% de patients chez qui on voit plus rien. Et en plus, chez ces patients, mais on est en train de découvrir ça, on peut arrêter le traitement, parce que jusqu'à présent c'est pareil, jusqu'à quand on donne ces traitements, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une toxicité, si on est obligé d'arrêter? Eh bien, sachez que maintenant, chez des patients chez qui on a arrêté le traitement alors qu'ils étaient en réponse complète, c'est-à-dire disparition des métastases, on a encore besoin de recul, de plus de recul, mais on a déjà 4 ans de recul pour dire que dans 90% des cas, les patients ne récidivent pas. Donc quand ils viennent et qu'ils nous demandent « mais est-ce que ça veut dire que je suis guérie ?», on a encore, on est prudent, on leur dit « on espère », mais franchement, on est en train de... pour ces patients-là, vraiment d'avoir un énorme optimisme. Alors attention, comme disait Delphine, il y en a qui répondent pas d'emblée ou qui vont développer des résistances. Et c'est tout le thème de notre recherche et de différents laboratoires, de comprendre les mécanismes de résistance et de les déjouer. Est-ce qu'aujourd'hui, pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, est-ce qu'aujourd'hui ces traitements, ils sont accessibles à tout le monde? Est-ce qu'ils sont accessibles uniquement aux patients qui sont justement en dernière ligne parce qu'ils ne répondent à aucun traitement? Est-ce qu'ils sont accessibles de façon équitable sur l'ensemble du territoire français, pour parler ne serait-ce que de la France? Delphine Laura? Alors en fait, tous les traitements, enfin, il faut que le patient réponde à l'AMM, c'est-à-dire à l'autorisation de mise sur le marché. Et en fait, dans l'AMM, il y a d'une part le type de cancer, parfois s'il exprime ou pas une molécule, à savoir en quelle ligne de traitement, et parfois il faut également qu'il ait reçu un traitement particulier avant pour avoir le droit d'accès. Donc ça varie d'un traitement à l'autre. Globalement, les anticorps monoclonaux, donc on a vu, ils sont divers, mais on voit dans le mélanome, on peut les donner dès la première ligne à tous les patients pour les inhibiteurs des checkpoints du système immunitaire. Enfin, quand même, moi je trouve que là, je vais dire quelque chose de un peu politiquement incorrect. Aujourd'hui, en France, on n'est pas hyper bien positionné pour donner ces médicaments de façon égale à tous les patients. Et notamment, on vient d'avoir le déremboursement d'un de ces médicaments de façon absolument pas du tout documentée sur le plan médical et scientifique. Et on est en difficulté pour certains patients. Les anticorps anti-CTLA-4 sont déremboursés. Donc si on a la chance de rentrer dans un essai thérapeutique et d'avoir accès à cette molécule, tant mieux, mais c'est pas le cas pour tous les hôpitaux. Et il y a un grand délai, malheureusement. Nos institutions sont très lentes entre l'autorisation de l'EMA, qui est l'organisme européen qui dit oui, la drogue est efficace, et la mise sur le marché. Ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup, beaucoup trop de temps. Il faut qu'on se remue. Au niveau français, vous partagez cette analyse, Delphine Laura? Tout à fait. C'est extrêmement frustrant de voir qu'on a des résultats publiés où on sait que la molécule est efficace, notamment aux États-Unis, elle est mise sur le marché. En France, on a l'approbation, mais on n'a pas le remboursement. Donc en fait, l'hôpital, qu'il soit public ou privé, ne peut pas se permettre de délivrer ces médicaments. Ils ne sont pas remboursés. Voilà. Et puis après, ce qu'on disait sur l'accessibilité, il y a des patients pour lesquels leurs tumeurs ne sont absolument pas sensibles à ces anticorps. Il y a encore énormément de voies de recherche pour permettre de les... Enfin, il y aura probablement de nouvelles molécules qui sont en cours de développement qui permettront d'avoir une utilisation plus large, on espère. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. On va suivre évidemment de très près l'évolution de la recherche et de la diffusion, de la commercialisation de ces nouveaux médicaments dans l'émission. Je vous renvoie évidemment à l'émission que nous avions consacrée à l'immunothérapie de façon un peu plus large, qui était il y a déjà un an. Et je pense que si on réécoute l'émission que nous avions accordée à l'immunothérapie il y a un an, on entendra déjà les différences par rapport à ce que nous venons de dire aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues parler de ces anticorps monoclonaux à notre micro. Merci Caroline Robert. Merci Delphine Loira, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lausanne, Eve Etienne, Sarah Igemans, Antoine Beauchamp, Noémie Nagatsin-Villefranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Antoine Pitiloni à la technique.